so many. Millions de personnes qui pensent me connaître. Des millions de vues aiment le fond de commerce. Putain, on s'est en replay, tout pas mon problème. Tant qu'on y est, on y est, on y est, on y est. 2-3 grammes de route pour réfléchir. Mais je suis pas tombé tant comme Obélix. Pas sûr que ça fasse plaisir à l'OPJ. Elle voudrait m'attraper comme OBJ. Chemin est long, je peux pas m'arrêter. Petit soir d'éteint, débrouille-toi si t'as pas les tailles. L'enfer incendie, t'es, je vais pas parler d'elle. Faut croire en ses rêves, ou puis si t'as pas la table. Monte le son dans le gel, je crois que c'est l'heure. Je te conseille de surveiller le ciel. Vu que c'est l'heure, je l'ai pas fait pour me remplir l'assiette. Je veux juste le dessert. Le gun est chargé comme les Jenner. Pistolet chargé, shoot l'abdomen. Dis-moi, montre maman, ça lâcherait de l'oseille. Je dormirai plus tard, là j'ai pas sommeil. On y est, on y est, on y est, on y est. Millions de personnes qui pensent me connaître. Des millions de vues, c'est mon fond de commerce. Putain, on s'est en replay, c'est pas mon problème. Tant qu'on y est, on y est, on y est, on y est. Petite sœur manque son cul pour faire des likes. Elle finira par se noyer dans ses larmes. On doit faire max de bif tant qu'on est là. Au final c'est tout ça en enfer qu'on ira. Les radios m'appellent, veulent qu'on parle à faire. Si c'est pour mon buzz, mon bif c'est mort, c'est pas la fête. Si tu veux tout baiser, petit frère c'est dans la tête. Tous tes rêves en resteront si t'as la flemme. J'ai plus peur de me perdre, je me connais par cœur. J'ai besoin d'un peu d'air, là tu sais la peur, ma lampe tire plus parce que je les remplace par le seul. Mes pensées noires par le seul. J'suis loin d'être seul. Le gun est chargé comme les Jenner. Pistolet chargé, shoot l'abdomen. Dis-moi montre maman ça là j'vais l'oser. J'dormirai plus tard là j'ai pas sommeil. On y est, on y est, on y est, on y est. Millions de personnes qui pensent me connaître. Vu que millions de vues c'est mon fond de commerce. Putain, tout ça dans le plat, tout c'est pas mon problème. Tant qu'on y est.